Chapitre 6e, les casseroles. Dans la nuit du 17 au 18 du mois d'octobre 1647, un carrosse à la livrée d'Orléans, escorté de coureurs à pied portant des torches, traversait au galop de 6 chevaux la place du Palais-Royal à Paris. Il se dirigeait vers la porte d'entrée du palais lorsqu'un cri d'effroi, parti de l'intérieur du carrosse, fit que le cocher arrêta net les guides de ses chevaux. « Prenez donc garde, mon Dieu ! Vous allez écraser quelqu'un ?» dit une très jeune femme en mettant la tête à la portière et indiquant du doigt un objet noir que l'obscurité rendait informe et qui gisait étendu sur le pavé. Elle ajouta « Voyez donc ce que c'est !» Un des coureurs alla vers cet objet et, à la lueur de sa torche, ayant reconnu un enfant endormi, le poussa du pied en criant « Oh là, va dormir plus loin maintenant !»« Seigneur Dio !» dit l'enfant d'une voix plaintive. Puis se levant aussitôt, il alla, docile et grelottant, s'étendre un peu plus loin. Cette soumission passive à un ordre si brutalement donné, et surtout ce timbre de voix argentin et souffrant, émut profondément la jeune dame, que, à sa livrée, ainsi qu'aux armoiries peintes sur son carrosse, on reconnaissait être la duchesse de Montpensier, Anne-Marie-Louise d'Orléans, connue sous le nom de Mademoiselle, fille de Gaston, duc d'Orléans et de Marie de Bourbon. « Faites approcher cet enfant, » dit Mademoiselle. Et l'enfant, ayant entendu ces mots et remarquant la lueur des torches, la figure jeune et gracieuse de la princesse, s'empressa d'accourir. « Qui es-tu ? Et que faisais-tu là à cette heure ?» lui demanda Mademoiselle, examinant avec attendrissement ce visage délicat et distingué, si peu en harmonie avec le costume de ce petit malheureux. « Je dormais, signora, » répondit-il. « Dans la rue, pauvre petit. Tu n'as donc pas de chez toi ?» répliqua la duchesse. « Hélas, non, signora. Tu n'es pas français ? D'où es-tu ? De Florence, en Italie, signora. Comment es-tu venu ici ? Où sont tes parents ? Mes parents sont morts, signora, et je suis venu ici à la suite du duc de Guise. Et d'où vient que le duc de Guise laisse coucher ses gens dans la rue ? Ce n'est pas la faute du duc de Guise, signora. C'est le chef de cuisine qui m'a mis à la porte parce que je lui prenais toutes ses casseroles. « Et pourquoi lui prenais-tu ces casseroles ?» dit Mademoiselle, ne pouvant s'empêcher de rire de la naïveté de cette réponse. « Pour faire de la musique, signora, avec des casseroles. Il le fallait bien puisque je n'avais pas d'autre instrument. »« Et tu faisais de la musique avec des casseroles ?» répéta la duchesse en insistant. « Oh, très bien, signora. On les aligne en ayant soin de les choisir de différentes forces et de différentes grandeurs. Cela fait des tons et des notes. Puis avec un petit bâton, on frappe dessus. » « Cela devait faire un beau charivari ?» observa la princesse en éclatant de rire. « C'est ce que disait le chef, » répliqua l'enfant d'un air honteux. « Mais le buteur n'avait pas d'oreilles, il ne sentait pas la musique, et à mes plus beaux morceaux, à mes airs les plus harmonieux, il soutenait toujours qu'il n'entendait qu'un cliquetis de casserole. Encore, si c'était tout. Mais un beau jour, hier matin, ne s'est-il pas avisé de dire que je les bossuais ? La colère m'a pris, et dans ma colère je l'appelais Midas. » « Qu'est-ce que c'est que ça, Midas ? » m'a-t-il dit. « Un roi qui n'aimait pas la musique et à qui il était poussé des oreilles d'âne, lui ai-je répondu. Et après ces mots, ce que j'ai eu de plus pressé a été de me sauver, car il voulait me couper les mains avec son grand coutelas. « Je comprends très bien cela, » dit Mademoiselle, « mais ce que je ne comprends pas, c'est que le duc de Guise t'est amené d'Italie. Pourquoi et à quelle fin ?»« Oh, ça, c'est une très longue histoire, signora, et pour la conter, j'ai bien froid et bien sommeil. » « Et bien fin, peut-être aussi, » ajouta Mademoiselle, remarquant l'affaissement des traits du petit Florentin et le son de sa voix qui baissait sensiblement. « Je n'ai rien mangé aujourd'hui, » répondit-il simplement. « Pauvre, pauvre enfant, » dit la princesse. Et se tournant vers son coureur, elle lui dit, « Menez cet enfant au palais, qu'on lui donne à souper, qu'on le fasse coucher, et que demain on le débarbouille, qu'on l'habille et qu'on me le présente à l'heure de mon déjeuner. « Va, mon petit, suis cet homme, » répliqua Mademoiselle, en faisant un signe de bonté et de protection au petit Florentin. Le lendemain, une négociation de mariage entre Philippe IV, roi d'Espagne, veuf depuis peu, et Mademoiselle de Montpensier ayant été entamée par les soins du premier ministre Mazarin, le petit protégé de la veille fut entièrement oublié. Toutefois, jeté par ce hasard heureux dans ce qu'on appelait alors le commun et que de nos jours on traduirait par l'office de Mademoiselle, Baptiste fut rangé dans la classe des galopins, autrement dit, marmiton. Le prochain chapitre va vous apprendre comment il s'y comporta et ce qu'il advint des casseroles.